Ils aiment, par exemple, ils meurent alors qu'ils sont fils sujoud ou là qu'ils sont muharim, fait le Hajj. Un des enseignants de la mosquée où j'enseigne en Angleterre, rahmatullah alayh, le frère Abou Talha, il est mort fait le Hajj, rahmatullah, il est mort en Yahram, il est mort avec les mains comme ça, il priait ça. Allez, rahmatullah. Ils ont prié sur le Janaza, fait le Haram, le Mekil, le Sheikh, ils ont dit prier parce que c'est un talib inconnu, il avait étudié chez Sheikh Mohamed Amel Jami, chez Sheikh Amel Ansar, il est parmi les grands savants. Rahmatullah, un frère converti à l'islam. Hein, qui était un des traducteurs, c'est pas le traducteur le plus prolifique en langue anglaise, un des spécialistes de la traduction en langue anglaise. Rahmatullah alayh. Lui et son épouse, tous les deux sont morts devant leurs enfants. Évidemment, ça c'est pas de ce qu'elle me parle, on espère le khair pour lui. Ala kulli hal, le serviteur, donc s'il est reconnaissant, sa reconnaissance lui revient. Et c'est lui qui en bénéficie. Et à ce sujet, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. La traduction du sens du verset, quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Surat al-Isra, verset 15. Et le serviteur, s'il est ingrat, et nous cherchons refuge en Allah contre cela, son ingratitude revient à lui en tort et en regret et en remords dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ceci requiert du serviteur qu'il comprenne, c'est ça qu'il faut tirer comme faïda pour nous ici, qu'il a la nécessité d'être reconnaissant envers Allah, tandis qu'Allah se dispense de sa gratitude. Je la répète cette phrase-là, c'est que ceci requiert du serviteur qu'il comprenne qu'il a, et quand on dit serviteur, c'est homme et femme. Qu'il comprenne qu'il a la nécessité d'être reconnaissant envers Allah, tandis qu'Allah se dispense de sa gratitude. Le sixième, c'était quoi, on a dit, le bienfait? Non? Voilà, c'est ça. C'est que le shukrani, il bénéficie la personne elle-même. Septième bénéfice, l'iman bi kamal ghina Allah al-mutlaq min kulli wajh wa iftiqar al-ibad ilayhi min kulli wajh. Wa man kafara فإن الله غني حميد نؤمن بأن الله غني والغني اسم من أسماء الله جل وعلا متضمن لوصفه سبحانه وتعالى بالغنى بالغنى وهو جل وعلا غني عن عباده وجميع مخلوقاته من كل وجه وعباده وجميع مخلوقاته فقراء إليه من كل وجه ونحن نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى الغني مستو على عرشه بائن من خلقه كما أخبره بذلك في كتابه الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ونؤمن في الوقت نفسه أنه سبحانه وتعالى غني عن العرش وعما دونه وأن المخلوقات كلها العرش وما دونه فقيرة إلى الله قال عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فهو الممسك للعرش سبحانه والممسك للسماوات والممسك للأرض والمخلوقات كلها قائمة بإقامة الله تبارك وتعالى لها لا غنى لها عن الله طرفة عين. Encore une fois, regardez عظمة الله سبحانه وتعالى. Le septième bienfait, c'est la foi en la dispense absolue d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah, on a compris tout à l'heure, hein, il n'a pas besoin, subhanahu wa ta'ala. Et ce, en tout point, et l'indigence des serviteurs ayant besoin de lui en tout point. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout. Et il est digne de louange. Nous croyons qu'Allah est celui qui se dispense de tout, Al-Ghani. Al-Ghani est l'un des noms exemplaires d'Allah et il contient l'attribut d'Allah, qui est qu'il se dispense de tous ses serviteurs et de toutes ses créatures, et ce à tous les niveaux, en tout point, tandis que ses serviteurs et toutes ses créatures sont indigents ayant besoin de lui en tout point. Nous croyons que notre Seigneur Al-Ghani est établi sur son trône, hein, et qu'il est distinct de sa création. Comme il nous en a lui-même informé dans son livre, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. La traduction du sens dit, le tout miséricordieux s'est établi, stawa, sur le trône. Ça c'est des surat Taha. Thumma stawa ala l'arsh, puis s'est établi sur le trône. Surat al-Araf, verset 54. Et d'autres versets. Et nous croyons en même temps qu'Allah se dispense du trône. Et d'autres, car tout ce qui a été créé, le trône et autres, est indigent vers Allah. Allah dit subhanahu wa ta'ala, inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. La traduction du sens dit, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourrait les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Surat Fatir. Il est donc celui qui retient le trône, subhanahu, et celui qui retient les cieux, et celui qui retient la terre. Toutes les créatures d'Allah ne subsistent que parce qu'Allah les fait subsister. Elles ne peuvent en rien se dispenser d'Allah, et ce même ne fût-ce que le temps d'un clin d'œil. Ça, ça doit vous rappeler une dua, non ? « Wala takilni ila nafsi tarfata'in » Le huitième bénéfice, « Fa'idatu thamina » إثبات كمال حمده سبحانه وأن له المحامد كلها وأن له المحامد كلها على كريم نعمائه وعظيم أسمائه وصفاته. قال عز وجل ومن كفر فإن الله غني حميد. والحميد اسم من أسماء الله الحسنى ودال على ثبوت الحمد لله سبحانه وتعالى. درش عبد الرزاق البرس أن سبيشاليز عن العقيدة. يعني certains frères qui passent leur doctorat à l'université de Médine, ils passent devant lui pour العقيدة. Notamment, d'accord? Pour juste un peu situer un peu. Donc vous voyez que la parole d'un spécialiste. Wa anna lahu al-hamd al-mutlaq al-kamil 'ala kulli hal wa fi kulli hin. Fa huwa subhanahu yuhmadu 'ala asma'ihi wa sifatihi wa yuhmadu subhanahu 'ala ni'amihi wa ala'ihi wa afdalihi wa 'ata'ihi. Fa huwa al-hamid jalla wa 'ala alladhi lahu al-hamd kulluh. Qala ta'ala lahu al-hamd fi al-ula wal akhirah. Min surah al-qasas. Lahu al-hamd awwalan wa akhirah. وله الشكر تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا فالحمد كله لله والنعمة كلها من الله وما بالعباد من نعمة فهي من الله هو موليها ينبغي أن يكون الحمد كله مخصوصا بالمنعم وحده ولهذا يقول الملبون في تلبيتهم إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Juste avant que j'oublie, subhanallah, je m'étais promis de le dire, tout à l'heure on nous a appris qu'il y a des frères qui venaient de l'Arche de Montpellier qui ont fait un accident de voiture assez grave, une aladora. Par exemple, la voiture s'est peut-être retournée, etc. Ça va ? Ils ont rien ? Ils sont en bonne santé, alhamdulillah, c'est ça que je voulais savoir. Alhamdulillah. Alors, fadl min Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ne sont pas à l'hôpital, etc. Ils ont été emmenés, mais ils ont été. Alhamdulillah. Donc, on a dit le huitième bénéfice. L'affirmation de la perfection de sa louange, car il est digne de toutes les louanges pour la générosité de ses bienfaits et ses grands noms et attributs. Mais regardez, on parlait de ça tout à l'heure, Hassan Khatima. Imagine, tu vas faire le tariq talab al-ilm ou bien tu fais le hajj ou la. C'est de ça qu'on parle. Hein, c'est pas que tu vas faire le tariq al-ma'asiyah. Vous voyez, regardez de quoi est-ce qu'on disait. Ça peut te prendre à n'importe quel moment, on ne sait pas. Et quelqu'un ne se sent pas trop jeune ou en trop bonne santé, etc. Comme l'a dit Cheikh Abdelazar Al-Bahri dans un rappel sur la mort, il est traduit sur notre site svvermigam.com, il a dit la mort, hein, elle peut venir dans une maison, alors qu'il y a les gens âgés, il y a les gens très malades, il y a peut-être quelqu'un qui est considéré en phase terminale, et il va prendre le jeune, qui est en bonne santé. Quand c'est ton heure, tu ne sais rien y faire. Le huitième bénéfice, l'affirmation de la perfection de sa louange. Car il est le digne de toutes les louanges, subhanah, pour la générosité de ses bienfaits et ses grands noms et attributs. Allah dit وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Al-Hamid est l'un des noms d'Allah qui indique l'affirmation de la louange à Allah et qu'il est digne de louange absolue. Il est le digne de louange absolue. Dans toute situation et à tout moment. Il est loué pour ses bienfaits et ses dons et ses grâces. Il est donc Al-Hamid qui est digne de toutes les louanges. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Alhamdulillah ala kulli. Allah dit lahu alhamdu fil ula wal akhirah. A lui la louange en premier, en dernier, et à lui est adressée la gratitude intérieurement, extérieurement. Et avant, je vais traduire ce verset d'abord. A lui la louange ici-bas comme dans l'au-delà. Et puis le cheikh dit, à lui la louange en premier et en dernier. Et à lui est adressée la gratitude intérieurement et extérieurement. À lui donc toute la louange et tous les bienfaits sont de lui, subhanah. Tout bienfait qui touche les serviteurs vient de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient donc que toute la louange soit vouée de manière exclusive à celui qui pourvoit ses bienfaits. C'est pour cela que les gens disent dans leur talbiya, Innal hamda wa ni'mata laka wa al-mulk la sharika lak. D'accord ? Neuvième bénéfice. Mais déjà au neuvième. Makanatul hikma wa azimu naf'iha liman habahu Allah tabaraka wa ta'ala biha wa manna alayhi bi tahsilha. وهذا واضح في هذا السياق المبارك من ثناء الله على لقمان ومدحه بأن الله عز وجل آته الحكمة وهذا يجعل العبد حريصا على معرفة الحكمة ما هي وحريصا على الاتصاف بها ومما قيل في معنى الحكمة إنها العلم النافع المقرون بالعمل الصالح وقيل هي وضع الأمور في موضعها وقيل regardez toutes les définitions de la hikmah que les ulama donnent. وقيل هي البصيرة والفهم والسداد وحسن الرأي. وقيل غير ذلك. والشاهد أن الحكمة لها مكانة عظيمة وينبغي على كل عبد أن يجد ويجتهد في نيلها وتحصيلها ببذل الوسائل المشروعة والسبل التي تنال بها ويوصل من خلالها إليها. Neuvième bénéfice. Le statut, on revient sur la sagesse. Regarde l'importance de la sagesse. Le statut de la sagesse est son immense utilité pour celui à qui Allah en a fait cadeau. Ce qu'on a dit dans le premier, que c'était un don d'Allah. Et celui qu'Allah a comblé en la lui faisant obtenir cette sagesse. Et ceci est clair dans ce passage béni où Allah fait l'éloge de Luqman et l'a complimenté car Allah lui a donné la sagesse. Allah l'a cité dans le Coran. Ceci rend le serviteur attentif à savoir ce qu'est la sagesse. Si maintenant quelqu'un était assis ici dans ce cours, parmi nos frères ou nos sœurs, et il se dit, eh ben, je vais, peut-être après ce cours, je vais essayer de savoir plus sur la sagesse. Eh bien, abshir, alhamdulillah. Dire, eh ben, subhanallah, c'est vrai la sagesse, mais regardez ce qu'il dit le cheikh ici. Il dit, ceci rend le serviteur attentif à savoir ce qu'est la sagesse et attentif à être doté de cette sagesse. Parmi les choses qui ont été dites sur la sagesse, le cheikh va donner quelques définitions, on va les donner en français aussi, Inch'Allah. Enfin, on les a déjà données en arabe, on va les donner en français. La sagesse est la science bénéfique accompagnée de l'action vertueuse. Regardez les définitions des ulama, très courtes et précises. Donc la science bénéfique, la sagesse, c'est la science bénéfique accompagnée de l'action vertueuse. Une autre définition, c'est que la sagesse, c'est de placer les choses à leur place. Les ulama disent, certains al-mashayikh disent, wad'ul umuri fi mawdi'iha, al-lin fi mawdi'il-lin wa shidda fi mawdi'il-shidda. Mais la base dans da'wa, c'est la douceur. C'est pas que comme certains croient que la base c'est la dureté. Là, la base c'est la douceur. La base en ta'wa, c'est la douceur. Mais la sagesse, c'est de savoir des fois quand il faut être doux et quand il faut être dur. De placer chaque chose à son bon endroit. Cheikh El dit, c'est de placer les choses à leur place. Une troisième définition que le Cheikh El donne ici, la sagesse, c'est la clairvoyance et la compréhension et la justesse de vue et le jugement. Donc la clairvoyance, la compréhension, la justesse de vue et le jugement. Et le jugement. Et d'autres choses encore parmi ce que les gens de science ont dit. Ce qui est à retenir ici, c'est que la sagesse a un statut très important. Il convient donc à tout serviteur de multiplier les efforts afin d'obtenir cette sagesse en faisant les causes légiférées et en prenant les voies qui y amènent. Regardez nos problèmes, le ulama, comment il gère les problèmes de la Ummah. Il ne se précipite pas avec ilm, avec taqwa, avec fahm, avec sagesse. C'est-à-dire que nous, hein? Non. C'est pour ça qu'il faut revenir, surtout dans le nawaz et les calamités qui touchent la umma. Et ça, c'est une différence entre les gens de la sunna et les autres. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé dans le Coran et le prophète dans la sunna, dans des choses qui nous touchent de nawaz, de revenir aux ulama, aux kibar, les ulama rasikhin fil ilm, les enracinés dans la science. D'accord ? Hein ? Par exemple, un problème contemporain, c'est le problème de la Syrie. Regardez la différence entre les gens de la Sunna et les jeunes qui ne sont pas parmi les gens de la Sunna, ou que c'est carrément parmi des gens qui ne connaissent pas, ou qui se font avoir, ou qui sont carrément parmi le Khawaj et Tekfirin, etc. Les gens de la Sunna, ils ont écouté le ulama. Cheikh Al-Fouzan, il a dit, il n'y a rien là-bas, il ne faut pas partir. Fitna. Ça, ou là-là ? Alhamdulillah. Le ulama, il parle avec ilm, avec hikma. Hein ? Et ceux qui n'ont pas écouté, regardent le résultat. C'est pour ça, il faut sagesse, il faut revenir au ulama dans toute affaire, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas écouter les discours de n'importe qui. Déjà, en tant que gens de la sunna, il y a un principe fondamental et méthodologique qu'on n'écoute déjà pas n'importe qui dans le din. Déjà, aslan. Mohamed ibn Sirin, grand tabi'i, par les aïmats de l'islam, il a dit « Inna hadal imadin, un fan dura amman ta'khuduna dinakum. » Tu ne prends pas n'importe quelle source. Tu regardes qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan il a dit, tu regardes qu'est-ce que le Mufti il a dit de Saoudia, tu regardes ce que Cheikh Mahsil Abad il a dit, qu'est-ce que Cheikh Rabi il a dit, qu'est-ce que Cheikh Mohamed Ben Hadi il a dit, c'est mes chers là qui sont connus pour leur croyance correcte, leur méthodologie correcte, leur enracinement dans la science. C'est, je pense que c'est important des fois de lier à des problèmes que les gens peuvent vivre, etc. Ça c'est juste un exemple, ce qui m'est arrivé en tête comme ça. Par rapport à là, les ulama, ils sont posés, ils regardent les choses avec ilm, ils regardent les choses avec sagesse, ils ont le fahm, ils ont la justesse du jugement, etc. Donc le cheikh ici, il dit, ce qui est retenu ici, c'est que la sagesse a un statut très important. Il convient donc à tout serviteur de multiplier les efforts afin d'obtenir cette sagesse en faisant les causes légiférées et en prenant les voies qui y amènent. Le dixième bénéfice. C'est un peu trop long pour vous, on continue un peu ou... jusqu'à l'Aïcha ? L'Aïcha, c'est à quelle heure ? 12-13 ans. Al-fa'idatu al-ashira. Dixième. D'accord ? أهمية أسلوب الوعظ في التربية والتعليم. قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. وأسلوب الوعظ له آثار بالغ في تربية الناس وتعليم النشأ. والوعظ كما قال العلماء أن يكون العلم الذي يوجه الناس إليه ويرشدون إلى فعله مقرونا بالترغيب والترهيم. Juste par rapport à ce que j'ai dit par rapport à la série, une petite histoire qui m'est arrivée personnellement. J'étais avec Cheikh Abdel Adani. Vous connaissez peut-être Cheikh Abdel Adani, parmi les chouchs du Yémen, qui est maintenant à Médine, hein, et qui est des élèves de Cheikh Mokbil et d'autres machères comme Cheikh Rodayan et d'autres. Hein. J'ai traduit pour lui un dars en Belgique. Et il a parlé de ce problème-là. Parce qu'en Belgique, vous savez que c'est un problème chez beaucoup de jeunes. D'accord ? Cheikh, il a parlé avec Dali, il a parlé avec Ilm, il a rapporté les paroles des savants, etc. Après le cours, il y a deux petits jeunes, 18 ans maximum. 19 ans, ils sont venus, ils étaient très agressifs. Hein ? Oui, mais pourquoi le cheikh dit ça ? Regardez, il n'a jamais étudié, le petit jeune. Il parlait à un cheikh. Regardez leur manque de respect. Regardez, des fois, comme quoi, les voies de l'innovation et les voies déviantes, à quoi elles peuvent amener. Yannis, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés en confrontation. Le cheikh, il était déjà sorti, alhamdulillah, mais ils sont rentrés en confrontation avec moi, etc. Ils ont dit, voilà, pour comment ça ? Et si c'était ta femme qui était là ? Regardez la hawat, les sentiments. Là, kef. Regardez la caractéristique des Khawarij. Hudatha ou Al-Asnam. Soufaha ou Al-Ahlam. C'est que tu as expliqué que Hudatha ou Al-Asnam, c'est-à-dire qu'ils sont jeunes. Précipite. Ils ne reviennent pas au lama. Ils ne jugent pas les choses avec la bonne balance. Et le résultat, vous le connaissez. C'est pour vous dire que c'est pour des choses concrètes, c'est pas des choses qu'on parle comme ça de. Qu'Allah préserve la jeunesse musulmane. Il y en a, ils envoient les jeunes et lui, il est bien au chaud ici. Elle envoie les enfants des autres, lui, hein, si les enfants partent, le premier à les courir les chercher. Qu'est-ce? On a dit, je continue en arabe d'abord avant de traduire. فيذكر الأمر بالخير مع المرغبات ويذكر عفوا ويذكر الأمر بالخير مع المرغبات ويذكر النهي عن الشر مع المرهبات. فالوعظ هو أمر بالخير ونهي عن الشر مع الترغيب والترهيب. والترغيب يكون بذكر الفوائد والثمار والآثار التي ينالها العبد إذا فعل هذا الأمر الذي رغب فيه. والترهيب يكون بذكر الأخطار والأضرار التي تحصل لمن وقع في ما نهي عنه. وهكذا فعل لقمان الحكيم حيث ضمن وصاياه ترغيبا نافعا يشجع المدعو على القيام بما دعي إليه على أحسن وجه وأكمل حال، وترهيبا زاجرا يحجز المدعو عن مقارفة الذنب وارتكاب الخطيئة. لديزيان بينيفيس، c'est un des derniers qu'on va citer aujourd'hui, Inch'Allah. Et je pense que les cours prochains, c'est jeudi. Parce que demain, on va à Montpellier, je pense. Hein? Vous n'êtes pas au courant? Ah, ça va. Hein? Ah, c'était sûr. Ah, au fond. Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas donné l'endroit, ça va? L'importance du style de l'exhortation dans l'éducation et l'enseignement. Ça, c'est important. On fait tous da'wah à notre niveau. Hein? D'accord? L'importance du style, comment tu fais le da'wah? Et comme il disait Cheikh Mohamed Barbzan dans un cours qu'il avait fait, il avait dit, prends garde à ce que tu ne sois pas la raison, toi, pour que quelqu'un, quoi? C'est gars, il s'éloigne de la sunna. Il fuit de la sunna. Parce que des fois, c'est à ça qu'on peut arriver. En croyant faire le bien, on fait du mal, on fait plus de dégâts. L'importance du style, de l'exhortation dans l'éducation et l'enseignement. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ » Le verbe « وَعَظَ » يَعِظُ مُوْعِظَةً يعني مُوْعِظَة. Ici c'est le style et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant. Le mu'idha, c'est ce qu'on appelle une exhortation. D'accord? Une exhortation. Tu exhortes quelqu'un, tu le rappelles. Le style de l'exhortation, du rappel, si vous voulez, a un grand effet dans l'éducation des gens. Et dans l'enseignement de la nouvelle génération. D'accord? J'ai une petite histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps avec Cheikh Rabia. Regardez la douceur, regardez le fiqh de Cheikh Rabia. Des frères d'Angleterre, ils étaient dans le musée de Cheikh Rabia pour aller le visiter. Et Cheikh Rabia, il avait un petit enfant qui avait une casquette. Je pense comme qu'il avait peut-être à l'envers ou quelque chose comme ça. Et Cheikh, il lui a retiré. Il y a une année qu'il essaie de s'habiller, son habit des musulmans, etc. Et puis Cheikh, pour pas qu'il ait quelque chose de petit dans le cœur, Cheikh, il a retiré son propre chapeau et il lui a donné. Et le petit, là, oh, Cheikh Rabia, il m'a donné son chapeau. Hein? C'est le chapeau de Cheikh Rabia. Hein? Bien évidemment, on ne fait pas tabarouk sur un, hein, ils vont commencer à dire. Hein? Ah ouais, il y en a vite. On a le roulou, la hajala. Mais regardez le hikma. Regardez le hikma. Et Cheikh Rabia, il est haris à la nasiha. Une fois, on était dans sa mosquée, il y avait un frère, je pense que c'était un frère de Suisse. Et le frère Machal était assez imposant, il avait mis ses deux pieds et il y avait juste de Massahim devant. Et Cheikh Rabia, il a 83-84 ans. Cheikh Rabia, il a tapé l'épaule, il lui a dit tes pieds, ne mets pas tes pieds en direction de Massahim comme ça. Et le frère, il ne comprenait pas. Et Cheikh Rabia, après, il y a un frère qui l'a traduit, etc., qui lui a dit tu sais qui t'a fait Nasiha, c'est Cheikh Rabia. Regardez, mes chers, là où ils vont, ils font Nasiha. Mais regardez la manière. Même des fois, il faut un peu de dureté, mais c'est dans certaines circonstances, etc. D'accord? Donc, c'était pour une petite histoire, pour montrer. Et les histoires, elles sont nombreuses. Nombreuses. Un des mashir d'Algérie, si je ne me trompe pas, vous corrigez les Algériens pour le nom, c'est Cheikh Rida Boucham. Vous connaissez ou pas? Non? C'est Hein? C'est juste le nom, je l'ai bien prononcé. Okay. Il a étudié à l'université de Médine et il a raconté qu'il a fait, c'est sur Sahab, vous pouvez voir sur le site, il a fait le hajj avec Cheikh l'Albani. Et ils disent que le bedou, des fois, ils ont des caractères un peu, certains comportements qui sont un peu, hein, un peu durs comme ça. Il y a un bedou qui a pris Cheikh l'Albani, il l'a attrapé par son faub pour lui poser une question. Hein? Qu'est-ce que l'on aurait fait? Allez, posez-vous là, je n'ai pas de réponse, qu'est-ce que l'on aurait fait? Je sais que quelqu'un hajj t'attrape comme ça. Hein? Cheikh l'Albani, il a dit Sidra Alay, il ne fait rien. Hein? Et après, il lui a répondu à sa question. Etc. Regardez le hikma, chacun comment. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était avec l'arabe. D'accord? C'est ça, chaque chose a son bon endroit. D'accord? Regardez comment nous ici on vit dans un pays qui est un pays non musulman. Comment on se comporte avec les gens? Comment on se comporte l'islam? Même des fois quand on subit quelque chose, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Est-ce que des fois, en tant que mudlum, on ne devient pas zalim? Est-ce que des fois, parce qu'on est mu'tada ali, on ne devient pas nuhm al-mu'tadi? Ça, il faut faire attention. Il faut bien réagir, il faut essayer de réagir avec ilm, avec hikma, avec, etc., etc. Comment on se comporte avec nos voisins, musulmans et non musulmans? Le voisin qui n'est pas musulman, il a un droit sur toi, ça, oh là là. C'est quoi le droit? Le droit du voisinage. C'est juste ou pas? Et le musulman qui est ton voisin? Et c'est qui en a trois? La femme. Non. À ce moment-là, il a le droit. Pourquoi? Parce que quelqu'un. Ah là, il est proche de toi, il est musulman, il est croyant et il est ton voisin. Mais regardez, mais le non-musulman, il a un droit, surtout ce droit de haqq al-jar. Et dans certains hadiths, il a rapporté que le professeur, il a tellement recommandé par rapport au voisinage que. Quoi? Il allait hériter. Non, il a pensé qu'il allait hériter aussi. Regardez, comment nous ne parlons pas nos voisins? C'est comme je l'ai dit dans le cours de tout à l'heure après l'Asr, l'islam c'est un tout, c'est l'aqida, tout ce qui touche l'aqaïd, etc. Et c'est aussi tout ce qui touche l'ibadat et le mu'amalat. Et sunni le haris dans toutes ces. C'est pour ça que, comme je dis tout à l'heure, on a choisi ce sujet, parce qu'il traite beaucoup de choses. Les bénéfices, hein, c'est de ces versets de Surah Luqman, ils traitent l'aqida, ils traitent aussi tout ce qui est l'ibadat et comment se comporter avec Allah subhanahu wa ta'ala et aussi comment se comporter avec les gens, etc. Donc ici le cheikh il dit l'importance du style de l'exhortation dans l'éducation et l'enseignement. Allah dit wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant. Le style de l'exhortation a un grand effet dans l'éducation des gens et dans l'enseignement de la nouvelle génération. Comme les savants ont dit, que la science vers laquelle on oriente les gens et à la mise en application de laquelle on les appelle, doit être accompagnée du tarhib et tarhib. On a expliqué, c'était quoi tout à l'heure, tarhib et tarhib? Tarhib, c'est que tu cites les textes qui incitent les gens à faire le bien. Et tarhib, c'est quoi? C'est que tu cites les textes qui les effraient quant au fait de faire le mal et ce qui est mauvais. On parle donc de l'ordre de faire le bien. Il y a un livre qui s'appelle At-Targhib wa Tarhib de l'imam al-Mundiri. Et Cheikh l'Albani Rahman a corrigé, il a fait ça, At-Targhib wa Tarhib. On parle donc de l'ordre de faire le bien avec ce qui incite, et on parle de l'interdiction du mal avec ce qui en effraie. Et c'est ça, da'wa. Tu parles quelque chose de bien, dis-lui que les choses qui vont l'inciter à faire ce bien. Tu veux parler à un frère, par exemple, tu vois qu'il est un peu négligent sur ses rawatib ou sur son nawafil, etc. Tu rapportes le fadl nawafil, le fadl rawatib de prier ces prières-là, etc. Les prières surrogatoires, etc. Tu l'incites. D'accord? Il a dit ici, le cher, il a dit, on parle donc de l'ordre de faire le bien avec ce qui incite et on parle de l'interdiction du mal avec ce qui en effraie. L'exhortation, c'est donc d'ordonner le bien et d'interdire le mal avec tarhib ou tarhib. Le tarhib ou incitation se fait en rapportant les bénéfices et les fruits que les serviteurs obtient lorsqu'ils mettent en application cet ordre dont on l'a incité à mettre en pratique. Évidemment, il sera plus à même de quoi d'être motivé de le faire. Ça, voilà. Le tarhib ou effrayement se fait en rapportant les dangers et les maux qui touchent celui qui commet ce qui lui a été interdit de commettre. Et tel est ce qu'a fait Luqman le sage, dont les recommandations contiennent une incitation bénéfique qui encourage celui à qui s'adresse l'exhortation de faire ce dont il a été exhorté de faire de la meilleure des manières, la plus complète. comme cela, ainsi qu'une mise en garde qui réfrène et empêche celui à qui l'exhortation s'adresse de commettre un péché et de tomber dans l'erreur, les deux. On répète cette phrase parce qu'elle est importante, parce qu'elle donne un manhaj en da'wa. C'est quoi? C'est que, et tel est ce qu'a fait Luqman, le sage, dont les recommandations contiennent une incitation bénéfique qui encourage celui à qui s'adresse l'exhortation de faire ce dont il a été exhorté de faire de la meilleure des manières. C'est-à-dire que quand tu le rappelles à quelqu'un, tu lui parles dans ce rappel, à celui à qui tu fais le rappel, d'une manière, en citant, ce qui va le pousser à faire ce que tu lui rappelles. Et le contraire est vrai aussi, dit le cheikh ici, ainsi qu'une mise en garde, et c'est-à-dire qu'il va non seulement le faire, mais le faire de la manière la plus complète et la meilleure des manières. Ainsi qu'une mise en garde, parce que le din c'est les deux. Une mise en garde qui réfrène et empêche celui à qui l'exhortation s'adresse de commettre un péché et de tomber dans l'erreur. Et notre din il est comme ça. Comme disent mes chers, ils disent « La nufarriqu bain at-ta'sir wa at-tahdhir kama nufarriqu bain an-nafi wa al-ithbat » Donc là, il a un nafi ou un ifbat. Une négation de tout ce qu'il y a devant d'Allah, une attribution de l'adoration à Allah seul. Subhanahu wa ta'ala. Ça, ou là? De la même chose. Le sunna, ils font ta'sir ou tahdir. Ils rapportent les fondements, ils rapportent la religion aux gens comme elle est, et ils mettent en garde contre tout ce qui est déviance et erreur, etc. Et c'est comme ça qu'il doit être le murabbi, l'éducateur, ou le da'i, ou celui qui a fait un rappel, etc. Par rapport à ce qu'il a dit le cheikh ici. On va peut-être s'arrêter ici. Hein? Vous me rappellerez, Inch'Allah, qu'on est arrivé. On commence le 11e au prochain cours, Inch'Allah. Jeudi après l'Asr, Inch'Allah. Ça? Ça. Il reste combien de temps pour la prière? Maintenant, ok. Wallahu a'lam, subhanakum wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله